Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission Dr Disco et Mr Funk. On va commencer tout de suite par la découverte. On va passer un peu de temps ensemble à écouter ces musiques qui nous plaisent tant. C'est parti pour la découverte du jour. Tavares, ça vous parle? C'est pas un groupe mexicain chantant la bomba, non. Les cinq frères Tavares composent le groupe et en 1975, ils ont déjà à leur actif un titre arrivant numéro 2 au top disco de l'époque. L'année suivante, ils rencontrent Freddy Perren, qui a travaillé avec Gloria Gaynor et qui leur propose un titre fantastique, Heaven Must Be Missing an Angel, qui deviendra une des plus belles chansons d'amour du disco. Comment ne pas craquer quand le chanteur dit « Il doit manquer un ange au ciel puisque tu es avec moi ». Faisons place à Tavares. La double dose aujourd'hui est consacrée à un autre groupe, les Commodores. Au début des années 1970, la Motown cherche un groupe de funk qui pourrait la représenter face aux autres labels. Des deux ans plus tard, suite à une rencontre fortuite, une cadre de la maison de disques rencontre un groupe d'étudiants, prénommé The Commodores, et leur propose immédiatement un contrat. Ils vont faire la première partie des Jackson 5 et l'histoire s'affole alors. Leur titre instrumental Machine Gun de 1974 les propulse en haut des charts. Le chanteur Lionel Richie fait entrer le groupe dans la légende avec ses ballades. On les appellera les Gentlemen Lovers. Brick House s'impose comme le hit funk de l'album Commodores et devient leur carte de visite. Lionel Richie quitte le groupe en 1983 pour poursuivre une carrière solo. Leur dernier tube, Night Shift, sort en 1986. Le titre et les paroles de la chanson sont dédiés à deux chanteurs disparus, Jackie Wilson et le grand Marvin Gaye, tous deux morts l'année précédente. Le titre est le plus gros succès du groupe après le départ de Lionel Richie. Il remporte en 1986 un Grammy Award. Les Commodores enregistreront une nouvelle chanson, une nouvelle version de la chanson bien sûr, dédicacée à Michael Jackson après sa mort. Tout de suite, Brick House et Night Shift. Écoutez Fadjet sur 94.2. Toujours émouvant d'écouter cette chanson-là quand on sait à qui elle est dédiée. Bon, on va passer dans un registre plus gai avec le cocorico du jour. Et là, c'est Ottawan. Le groupe, il est monté par le producteur Daniel Van Garde. Il est composé de Patrick Jean-Baptiste et de Annette Eltis. Le nom est un clin d'œil à la capitale du Canada, où a été enregistré leur premier album. Ottawan incarne la joie et la bonne humeur avec leur titre. D'ailleurs, pour ne pas faire de jaloux et pour avoir sans doute un plus grand rayonnement, il y a à chaque fois une version française et anglaise de leur titre. On va écouter Haut les mains. Alors pour l'anecdote, le titre figure souvent dans les publicités du Club Med au Canada. Ça nous donne envie d'y aller. Ottawan, Haut les mains. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-le. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La fin de notre rendez-vous approche et on va pas se quitter sans la pépite du jour. J'ai décidé de vous faire écouter le morceau qui nous sert de générique. J'ai nommé The Ritchie Family, I Do My Best For You. Alors, aucun rapport du tout avec Lionel Richie, donc on a évoqué la carrière plus tôt. Le nom est tiré du producteur du groupe, Richie Rome. Enregistré en 1982, le titre deviendra un des standards du funk. On va se quitter sur ce titre. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous sur Fadjet. Et je vous dis à bientôt sur Dr Disco et Mr Funk. C'est parti pour la Richie Family. Vous avez envie de découvrir le monde de la radio, de devenir chroniqueur ou animateur sur Fadjet? Envoyez-nous vos idées et projets à contact@fadjet.com.